une envie d'ailleurs, changer d'air. Rien ne doit pouvoir, rien ne doit pouvoir, rien ne doit pouvoir barrer nos chemins. Rien ne doit pouvoir, rien ne doit pouvoir, rien ne doit pouvoir barrer nos chemins. Il est midi. On est le 4 du 12 2010. Dans quelques heures, je m'envole à des milliers de kilomètres d'ici, au Sri Lanka, en Asie méridionale. Je lève mon verre à l'amour de Mélanie, la criolla. Je m'imagine déjà posé pépère à l'autre bout du monde, à m'imprégner d'autres cultures, à peser le pour et le contre, prendre le temps de savourer, d'étendre nos idées, étant conscient qu'on n'a pas tous la chance de profiter. Je quitte le béton, je prends la direction de la nature, quitte à me taper de longues distances au volant d'une voiture. Je t'écris ça et je nous revois à Hrvatska, il y a 3 mois de ça, au bord de l'Adriatique, de Rovinia Rijeka. Simple et précis, j'apprécie voir le paysage défiler, m'évader, ne pas rester coincé dans les mailles du filet. Eh ouais, c'est ça que j'aime, épouser ma destinée, étudier la vie, voyager dans les bras de ma dulcinée. Revenir au pays avec le savoir dans le cœur, rempli d'optimisme pour représenter mes frères et sœurs. On avance même face aux tempêtes de neige et de sable, et tous mes gens de là-bas et de Liège le savent. Bref, j'abrège, sinon je vais être en retard à l'aéroport de Bruxelles, dans mon 4100 à Colombo. Et comme ça n'arrive pas qu'aux autres, s'il se passait quelque chose, dites au mien que j'ai bien vécu, que je ne serais jamais parti trop tôt. Traversant l'objectivité, les ennuis sont de taille. À travers l'objectif, j'ai toujours une envie d'ailleurs. Lever l'ancre et partir, laisser couler l'encre. Observons l'univers du haut, le ciel volant de plus en plus. Traversant l'objectivité, les ennuis sont de taille. À travers l'objectif, j'ai toujours une envie d'ailleurs. Lever l'ancre et partir, laisser couler l'encre. Observons l'univers du haut, le ciel volant de plus en plus. Aussitôt, allez gombo, shirota morito, les noix de coco, les palmiers, les paysages tropicaux. Je découvre les jardins d'épices et les cultures de thé, les temples et les églises, les mosquées pris côte à côte. Je sifflote les chants de Noël sous un soleil de plomb. Repense au vieux continent où tombent des tonnes de neige. Ma plume observe le monde comme Benny l'aventurier m'a appris à connaître les faits sans les juger. Donc j'ouvre les yeux au pied des montagnes et des cascades, au milieu des varans, des éléphants et des macaques. Je fais le plein d'essence de ma quintessence, une envie d'ailleurs d'être là, vivre l'été en décembre. Ma vision s'amplifie loin des écrits des mécréants. Les voyages m'enrichissent peu à peu, le métier rentre, les croyances qui délivrent, les esprits qui restent errants. Je représente d'ici à là des plus jeunes aux vétérans. Traversant l'objectivité, les ennuis sont de taille. À travers l'objectif, j'ai toujours une envie d'ailleurs. Lever l'ancre et partir, laisser couler l'encre. Observons l'univers du haut, le ciel volant de plus en plus. Traversant l'objectivité, les ennuis sont de taille. À travers l'objectif, j'ai toujours une envie d'ailleurs. Lever l'ancre et partir, laisser couler l'encre. Observons l'univers du haut, le ciel volant de plus en plus. Au-dessus de l'océan Indien, de retour de l'ex, c'est lent. L'ex-alchimiste toujours en quête d'expérience. Après quelques turbulences et une escale aux Maldives, une dizaine d'heures de vol, ça y est c'est fait, l'avion arrive, on atterrit. Me revoici au plat pays. Je remercie le ciel d'être en vie, et je réitère cette envie d'ailleurs qui m'enivre. Un bras d'évasion me rend libre. Rien ne doit pouvoir, rien ne doit pouvoir, rien ne doit pouvoir barrer nos chemins. Rien ne doit pouvoir, rien ne doit pouvoir, rien ne doit pouvoir barrer nos chemins. Rien ne doit pouvoir barrer nos chemins. Une envie d'ailleurs.